Chapitre 6e. Mademoiselle Roussoff, assise auprès de la fenêtre de sa chambre, cousait une chemise de petit paysan en cotonnade d'un affreux rose criard. Elle était fort occupée à ajuster aux aisselles deux carrés d'étoffes rouges vives, sans lesquelles, on ne sait pourquoi, une chemise de paysan est un objet méprisable et indigne d'être portée autrement que pour les travaux les plus vulgaires. Pendant que son aiguille faisait dans le coton un petit bruit vif et régulier, Mademoiselle Roussoff pensait à des choses lointaines, ainsi qu'elle l'avait dit à Victor l'année précédente, et son esprit voyageur l'entraînait bien loin de la chemise rose et du clocher en forme de navet renversé qui bornait sa vue de l'autre côté de l'étang. Voici ce qu'elle voyait dans sa rêverie. C'était une plaine verte, du vert de velours des prairies bien arrosées. En effet, un ruisseau coulait au milieu, parfois orné de quelques saules, le plus souvent tout simplement bordé de myosotis, si fleuris, si fournis, qu'on voyait leur bleu pâle tranché sur la verdure même à plus de 100 pas. La plaine était déserte. Un moulin, qu'on n'habitait qu'à l'époque du travail, c'est-à-dire quand le ruisseau consentait à n'être ni gelé ni tari, se prélassait au beau milieu, attirant l'œil par sa couleur noirâtre de vieux bois battu des hivers. Une vanne fermait le cours d'eau, et un petit pont, sommairement formé de deux poutres, dominait la vanne à une certaine hauteur. Ce pont, chose assez extraordinaire, reposait sur deux piles de briques rongées par la mousse, effritées par l'abord brutal des glaçons en hiver, mais encore solides et presque majestueuses. Ces piles, de beaucoup antérieures au pont qu'elles soutenaient, avaient vu bien des choses, mais les pierres ne parlent pas. Quant au pont lui-même, il avait eu jadis un garde-fou. Celui-ci était tombé à la rivière quelques belles nuits d'orage, et personne ne l'avait revu, ni ne s'était inquiété de le remplacer. La plaine était une vallée, car des deux côtés s'élevaient de petites collines, dont la pente abrupte dégringolait tout à coup sur l'espace uni. À gauche s'étendaient des bois, pins et bouleaux. Le terrain sablonneux se déchirait parfois en failles blanchâtres, et quelques routes, blanches aussi, grimpaient par-dessus les sommets et disparaissaient mystérieusement, on ne sait vers quel point inconnu. À droite, une petite ville s'étalait avec un monastère pour monument principal. Ce monastère, un peu forteresse, comme tous les couvents russes, renfermait dans sa haute enceinte de murailles divers bâtiments, une église, plusieurs chapelles, des jardins, des vergers, et le tout descendait doucement jusqu'à la plaine, abrité par de grands arbres, dont quelques-uns, bizarrement coupés vers la moitié au lieu de troncs, élevaient vers le ciel de nombreux rameaux, relativement jeunes, c'est-à-dire remontant à 50 ans à peine. Ces arbres étranges se retrouvaient surtout dans la direction des hauteurs opposées, comme si on les eût coupés exprès pour laisser voir les collines. Mais ce n'était pas une fantaisie de propriétaire qui les avait ainsi mutilés, pas plus que ce n'était un hasard qui rendait si verte et si fertile l'herbe de la grasse prairie. Le ruisseau était la Bérésina, et c'est le tir des boulets français qui avait découronné les grands zones. Quelques lieues au-dessus de l'endroit où fut livrée la sanglante bataille de Borodino, un gros de troupes eut un engagement avec une division russe. Le petit monastère fut cruellement bombardé, et bien des corps fraternisèrent dans l'agonie sur les rives du ruisseau. Nul n'a compté les cadavres qui jonchèrent cette plaine. Sous le feu meurtrier des batteries françaises, qui dura 3 jours, les habitants du monastère n'allèrent pas reconnaître leurs morts, et quand l'armée s'éloigna, les maraudeurs des champs de bataille avaient déjà dépouillé les victimes. On enterra russes et français dans des tombes communes, et les moines du monastère, après avoir terminé ce pieux devoir, consacrèrent pendant de longues années leurs prières au repos de ceux, quels qu'ils fussent, qui avaient trouvé la mort loin de leur foyer. Mademoiselle Roussoff savait toutes ces choses. Elle avait parcouru d'un pas recueilli les sentiers gazonnés qui entourent les monticules sacrés. Elle avait écouté l'histoire de ces 3 journées, histoire toute de feu et de sang, la même, hélas, depuis des siècles, pour toutes les villes assiégées, pour tous les territoires violés, des recoins obscurs de l'Asie jusqu'au cœur même des capitales, et c'est avec une pitié profonde qu'elle avait regardé ce simple paysage, si vivant dans ses lignes, si hospitalier dans ses contours, si tragique quand on en connaissait la légende. Il est des situations, des rencontres d'événements qui gravent dans la mémoire, d'une manière indélébile, des faits autrement sans importance. Sous l'influence de certaines émotions, le cœur s'ouvre à des sentiments nouveaux et se dévoile lui-même en un instant mieux qu'il n'eût fait pendant 2 paisibles années. Lorsque Mademoiselle Roussoff écoutait le récit de ses combats héroïques, aux Russes et Français s'était montré, d'une valeur presque surhumaine, un jeune homme marchait auprès du groupe dont elle faisait partie et suivait sur sa figure les émotions qui faisaient naître cette épopée. Qu'avait-il vu sur ce visage blanc et calme qui lui eût inspiré tant d'enthousiasme et de vénération? Était-ce la pitié, innée dans quelques âmes, qui se traduisent en une pâleur nacrée, en un tremblement de terres entr'ouvertes? Était-ce la bonté de ses yeux gris, abaissés sur les tombes avec tant de douceur, ou le geste charmant avec lequel la jeune fille avait laissé tomber sur le monticule la gerbe de fleurs cueillie dans la plaine, rendant ainsi à la mort ce que la mort avait fait naître? Qu'importe le motif. Quand Mademoiselle Roussoff releva ses yeux pensifs, longtemps fixés à terre, elle lut dans ceux du jeune médecin qu'il pensait comme elle et qu'elle avait trouvé un ami. Ils ne se parlèrent pas, car ils ne se connaissaient pas. Valérien Moutine était venu passer quelques jours auprès de l'archimandrite de M, qu'il connaissait depuis l'enfance. Le hasard d'une roue brisée avait forcé la famille Roussoff, qui se rendait dans ses terres, à passer deux jours dans la petite ville. On avait visité le couvent. L'archimandrite, heureux de voir des gens intelligents et de pouvoir causer un peu, en avait fait les honneurs, et voilà comment Groucha se trouvait marcher sur les rives de la Bérésina, à côté d'un inconnu dont elle devait emporter le souvenir. Deux jours seulement. C'est bien court pour une impression qui doit durer toute la vie. Mais pendant ces deux jours, tout avait conspiré contre elle. Tandis que les parents assis chez l'archimandrite dégustaient un thé unique, amené tout exprès du cœur de la Chine pour faire plaisir au bon vieillard, cadeau princier d'une âme inquiète à laquelle il avait rendu la paix, on avait envoyé les enfants s'amuser dans le jardin. Les enfants, c'était Groucha et son frère Benjamin. Et le jeune docteur les avait suivis, sous prétexte qu'il n'avait pas encore 25 ans. Les cerisiers croissaient en telle profusion dans un coin du verger que, suivant l'assertion du frère lait qui les conduisait, on perdait au moins 2 quintaux de cerises tous les ans. « Ce n'est pas qu'elles soient perdues, » disait le brave garçon, « car les oiseaux du bon Dieu les mangent. À peine les fleurs sont-elles tombées que les petits pillards viennent se poser sur les arbres en face, sur les murs, partout où il y a place pour eux. Ils ont l'air de les regarder grossir et rougir. Mais n'ayez pas peur qu'ils y touchent avant qu'elles soient mûres. De temps en temps, ils viennent donner un coup de bec et s'en retournent. Mais quand une belle journée de soleil, suivie d'une bonne nuit bien chaude, leur a donné le dernier coup, dès avant le jour, nos gourmands sont dans les arbres, et l'on dirait qu'il n'y a plus d'oiseaux que de cerises. Quand on approche, ils ne se dérangent seulement pas. « Vous n'y mettez pas de filet ?» demanda le jeune homme. « Le père archimandrite ne veut pas, et dit qu'il en restera toujours assez pour nous. » Involontairement, les jeunes gens échangèrent un regard et un sourire. Benjamin se faufilait déjà sous les branches, dans le taillis de cerisier. Sa sœur voulut l'arrêter. « Oh ! » dit le frère lait. « Vous pouvez le laisser faire. Il n'y peut commettre aucun dégât. Les arbres viennent là-dedans comme il plaît à Dieu. » Il avait suivi Benjamin. Les jeunes gens passèrent derrière lui. En effet, les arbres croissaient en liberté. Leurs branches partaient du pied, s'enchevêtraient les unes dans les autres, se croisaient en berceau, émondaient juste assez pour former des allées couvertes où l'on passait à l'époque de la cueillette. Les allées ne suivaient aucun plan et tournaient capricieusement, suivant la fantaisie de ces jardiniers primitifs. Au bout de quelques pas, Groucha s'arrêta et son compagnon fit comme elle. Benjamin et le frère lait avaient disparu dans le taillis. On entendait leurs voix, mais on ne les voyait plus. La jeune fille leva les yeux. Une clarté laiteuse tombait sur eux de la voûte blanche. On ne voyait pas le ciel. On n'apercevait aucune trace de culture. Au-dessus de leur tête, autour d'eux, les branches noires et les fleurs de lait, sous leurs pieds, les pétales jonchaient le gazon. Mademoiselle Roussoff sentit ses yeux se mouiller de larmes et elle baissa les paupières pour cacher cette émotion qu'elle trouvait ridicule et ne pouvait s'expliquer. Un léger mouvement qu'elle fit en voulant s'appuyer contre un tronc plus robuste secoua le cerisier et une pluie de pétales tomba sur sa tête. Elle en avait dans les cheveux, dans le cou, sur sa robe, sur les mains, partout où les fleurs fines, impalpables, avaient trouvé une surface pour se poser. Elle sourit pour cacher son embarras, et le mouvement de tête qui accompagna son sourire secoua les pétales autour d'elle. Valérien se baissa vivement, tendit les mains et recueillit les fleurs qu'il avait touchées. Tout ceci s'était passé en un instant, sans une parole. Ils reprirent leur marche vers l'endroit où les guidait la voix de Benjamin et sortirent enfin du nuage blanc qui les enveloppait. La vue du ciel bleu sembla rendre à Groucha le calme qu'elle avait perdu dans l'atmosphère troublante des cerisiers. Ils firent le tour du grand jardin presque sauvage et revinrent vers leurs aînés en échangeant quelques paroles banales. « Oh, maman !» s'écria Benjamin en rentrant. « Si tu savais ce qu'il y aura de cerises dans 6 semaines !» Groucha ne dit rien, mais ses joues se colorèrent d'un rose plus vif et Valérien regarda par la fenêtre. À l'automne, on était repassé par M, et chose étrange, Valérien s'y trouva en même temps qu'eux. Les relations avec le bon archimandrite étaient devenues plus amicales et plus étroites. Il avait envoyé un panier de cerises à Benjamin, et Madame Roussoff, en retour, lui avait fait parvenir une corbeille de prunes. On passa une journée charmante, il pleuvait un peu, les arbres perdaient leurs feuilles, les gazons jaunissaient, mais on alla néanmoins faire un tour dans les prés. Quand il fallut passer le fameux pont, Benjamin s'y risqua témérairement. Les parents déclarèrent qu'il ne s'y aventurerait point et préférait faire un détour. Le jeune docteur était déjà sur l'autre bord. Voyant Mademoiselle Roussoff hésitante, il lui tendit la main. Pourquoi Groucha avança-t-elle avec résolution sur les planches brûlantes et mit-elle sa main droite dans celle qui lui était offerte? Pourquoi, sans qu'il lui pressait autrement que pour la soutenir, sentit-elle que cet homme lui offrait sa vie? Toutes ces choses sont des mystères qui n'ont pas de « parce que ». Le printemps était revenu. On avait fait encore une station au monastère, mais plus longue cette fois. L'archimandrite, qui aimait passionnément la musique, avait présenté la famille Roussoff dans une maison de la ville où se trouvait un excellent piano, et il avait passé une soirée délicieuse à écouter Madame Roussoff et sa fille jouer ensemble et séparément les meilleures œuvres des maîtres. « J'irai vous voir », avait-il dit à Groucha quand elle prit congé de lui. « J'irai pour que vous me fassiez de la musique. Il y a 20 ans que je n'avais rien entendu de pareil. » On avait supplié le bon vieillard de tenir sa promesse, mais le jeune docteur n'était pas compris dans l'invitation. Monsieur et Madame Roussoff s'étaient à peine aperçus de l'existence de ce garçon, qui ne disait presque rien et se contentait d'écouter tout le monde. Voilà pourquoi Groucha, tout en tirant l'aiguille, songeait à des choses lointaines. Elle se reprochait d'y penser, et pourtant n'eût pas voulu caresser d'autres rêves. Un bruit de clochette attira son attention vers la route. Elle n'en pouvait voir qu'un tout petit morceau sur le pont de l'écluse, et il lui fallut attendre assez longtemps. À la campagne, on devient fort habile à distinguer la différence des bruits selon les équipages. Ce qui venait n'était ni une télègue, ni une calèche légère. Par conséquent, cette visite ne pouvait être celle d'un proche voisin. Le mouvement pesant des roues, le poids de l'équipage qui ébranlait le sol de fort loin, la sonorité des grosses clochettes, tout annonçait une berline majestueuse, une voiture venue de loin et attelée de 6 chevaux. En effet, un grand landau déboucha sur le pont et une forme noire environnée de voiles d'étamine se dessina sur la portière opposée. Une face blanche apparut, une main plus blanche encore se leva doucement et esquissa un salut qui ressemblait à une bénédiction. « C'est l'archimandrite !» se dit Groucha en ressentant aussitôt un coup au cœur. Et il est venu seul. Elle s'aperçut, pour la première fois, que depuis 2 mois, elle attendait Valérien.